c'est pas une danse d'athlète. Si t'as mon en tête à tête, un corps à corps intello, le slow. C'est pas une danse d'esthète, c'est une valse d'opérette, le ballet du populo, le slow. C'est une danse tout en longueur qui délie les langues et les cœurs. On se jette dans les bras l'un de l'autre, c'est extra, c'est pratique, c'est réglo, le slow. On se sent l'âme romanesque, pathétique non mais presque, et l'on tourne en plein mélo, le slow. C'est une danse tout en longueur qui délie les langues et les cœurs. Prudence, c'est une danse qui force la confidence, le soupir, le tremolo, le slow. Dans l'ambiance est amusée, on pourrait bien tout oser, on se croit sur un îlot, le slow. C'est une danse tout en longueur qui délie les langues et les cœurs. Cérémonial, le sax au moment crucial vous balance son solo, le slow. On se prend à caresser, le dos contient enlacé, le remercie Julio, le slow. C'est une danse tout en longueur qui délie les langues et les cœurs.